Chapitre 11, deuxième partie. J'eus le plaisir de faire la connaissance de cette dame et je la trouvai, sous tous les rapports, une des personnes les plus distinguées de son sexe. Partout où il s'agit d'une bonne œuvre, on la voit toujours en avant. Dans les années 1846 et 1847, elle fit des collectes pour l'Irlande, désolée par une grande disette. Elle écrivit à cet effet, dans les provinces les plus reculées de l'Inde, engagea tout Anglais à apporter son obole et réunit la somme considérable de 80 000 roupies. Lady Cameron s'est fait aussi un nom dans les lettres. Elle a traduit avec beaucoup de goût la célèbre ballade de Burger, Lénore. En outre, elle est l'épouse et la mère la plus tendre. Elle ne vit que dans sa famille et s'occupe peu du monde, ce qui fait que les gens qui ne la connaissent pas la traitent d'originale. Il serait à désirer qu'il y eût beaucoup de femmes originales comme elle. Je n'avais pas de lettres pour cette aimable dame, mais ayant entendu parler par hasard de mes voyages, elle fut la première à me rechercher. En général, je trouvais dans ce pays une franche hospitalité. Je fus accueilli dans les meilleurs cercles avec prévenance et cordialité, et chacun s'empressait de me rendre service. Cela me rappelle involontairement le ministre autrichien à Rio de Janeiro, comte de Reberg, qui croyait me faire beaucoup d'honneur en m'invitant à un simple dîner dans sa villa. Il me fallait acheter cette faveur insigne par une course à pied d'une heure, exposée à un soleil brûlant, ou bien payer 6 000 reis pour une voiture. Note, 6 florins, 42 kreutzer, plus de 16 francs. Fin de note. À Calcutta, on me faisait toujours prendre en voiture. Je pourrais encore raconter bien des choses sur ce comte Reberg, dont toutes les manières me donnaient à entendre qu'il était fort maladroit de ma part de ne pas être issu d'une famille opulente et aristocratique. Il en fut tout autrement du ministre M. Cameron et du ministre de Justice M. Peel, qui m'honorèrent pour moi-même sans s'inquiéter de mes ancêtres. Chez M. Peel, il y eut pendant mon séjour à Calcutta une grande fête à l'occasion de son jour de naissance. J'y fus également invité, mais faute de toilette de bal, je déclinai l'honneur qu'on me faisait. On n'admit pas mes excuses et, avec ma simple robe de mousseline de couleur, je me trouvai à côté de Lady Cameron dans une société où toutes les dames étaient vêtues de satin et de velours et surchargées de dentelles et de parures. Cependant, personne ne rougit de moi. Au contraire, c'était à qui me parlerait et me témoignerait la plus haute estime. Une promenade extrêmement intéressante pour l'étranger est celle de la Grève, appelée aussi Maytown. Cette promenade est bornée d'un côté par l'Ugly, de l'autre par de beaux prés, à l'extrémité desquels se trouve la superbe rue de Chaudrigny. Les palais y succèdent à des palais. Aussi, cette rue est-elle regardée comme la plus belle de Calcutta. On a en outre de là la vue du palais du gouverneur, de la cathédrale, du monument d'Ochterlony, des beaux réservoirs d'eau établis sur les prés, du fort William qui forme un superbe pentagone et est entouré d'ouvrages extérieurs considérables, etc. Tous les soirs, avant le coucher du soleil, le beau monde de Calcutta afflue sur la Grève. L'Européen, fier de son argent, l'orgueilleux Nabab, le Raja déçu, s'y promène dans de magnifiques voitures européennes, traînant à leur suite beaucoup de domestiques habillés à l'oriental, placés derrière la voiture ou courant à côté. Note, la foule était souvent si grande que 5 files de voitures allaient et venaient de front. Les Rajas et les Nababs sont vêtus d'habits de soie brodés en or, sur lesquels ils jettent les châles les plus précieux de l'Inde. Dans les prés, on voit galoper des dames et des messieurs montés sur de beaux coursiers anglais, et à côté d'eux marchent des légions d'indigènes qui rentrent de leur travail en riant et en plaisantant. Sur le gli, on voit aussi beaucoup de mouvements. Les plus grands navires des Indes sont là, à l'ancre. Les uns déchargent leur cargaison, les autres appareillent, et beaucoup de bateaux vont et viennent sans cesse. On m'avait dit que le peuple souffrait beaucoup de l'éléphantiasis et qu'on rencontrait un grand nombre de ces malheureux avec des pieds horriblement enflés. Mais il n'en est pas ainsi. Je n'en vis pas à Calcutta en 5 semaines autant que j'en avais vu en un seul jour à Rio de Janeiro. Un jour, je visitais un riche nabab. On estimait la fortune de la famille, composée de 3 frères, à 150 000 livres sterling. Le maître du logis me reçut à la porte de la maison et me conduisit dans la salle de réception. Il était enveloppé d'un grand morceau de mousseline bien blanche sur laquelle il avait jeté un superbe châle des Indes qui, venant en aide à la mousseline transparente, couvrait décemment le corps depuis les hanches jusqu'aux pieds. Une partie du châle était drapée d'une manière très pittoresque sur une des épaules. La salle de réception était arrangée à l'européenne. Un grand et bel orgue était placé dans un des coins. Dans un autre, on voyait une bibliothèque remplie des ouvrages des principaux poètes et philosophes anglais. Mais je crus remarquer que ces livres étaient là plutôt pour les yeux que pour être lus. Car les volumes de Byron étaient placés à l'envers et les nuits de Young étaient fourrées pêle-mêle. Quelques gravures et quelques tableaux qui, dans la pensée du bon nabab, devaient orner les murs, valaient moins que les cadres qui les entouraient. Le nabab fit venir ses fils et me présenta 2 jolis garçons, dont l'un avait 7 ans et l'autre 4. Quoique ce fût contraire à l'usage, je demandai des nouvelles de sa femme et de ses filles. Selon l'opinion des hindous, notre pauvre sexe occupe une place si humble dans la société que c'est presque leur faire insulte de s'informer des femmes. Cependant, le nabab, en considération de ce que j'étais européenne, ne prit pas trop mal ma question et fit venir aussitôt ses filles. La plus jeune, une charmante enfant de 6 mois, avait la peau presque blanche et de grands beaux yeux dont l'éclat était encore rehaussé par des cercles d'un bleu noir peints tout autour. La figure de l'aînée, âgée de 9 ans, était commune et grossière. Le père me la présenta comme fiancée et m'invita à la noce qui devait avoir lieu dans 6 semaines. Note, il parlait assez bien l'anglais. Fin de note. Je fus tellement étonnée de ce mariage précoce que je m'écriai qu'il parlait sans doute des fiançailles, et non pas des noces. Mais il m'assura que la jeune fille allait s'unir pour tout de bon à son mari et être remise entre ses mains. Comme je lui demandais si la jeune fille aimait son fiancé, il me répondit que les jeunes gens ne se voyaient pour la première fois qu'à la célébration des noces. Le nabab me raconta en outre que chez son peuple, chaque père se met le plus tôt possible en quête d'un genre. Car, disait-il, il faut que toutes les filles se marient, et plus elles se marient jeunes, plus c'est honorable pour elles. Une fille non mariée est un déshonneur pour son père, et semble lui reprocher son manque d'affection. Quand il a trouvé un gendre à son goût, il dépeint à sa femme les qualités physiques et intellectuelles du prétendant, l'état de sa fortune, etc. Il faut que la femme se contente de cette description, car elle ne voit son gendre ni comme fiancé, ni comme mari de sa fille. Le gendre n'est jamais considéré comme membre de la famille de la fiancée, qui, une fois mariée, passe tout à fait dans celle de son mari. La jeune femme a le droit de voir les parents mâles de son mari et de leur parler. Elle peut même se montrer sans voile aux domestiques de sa maison. Mais quand elle veut visiter sa mère, il faut qu'elle se fasse porter dans un palanquin hermétiquement fermé. Je vis aussi la femme du nabab et une de ses belles-sœurs. La première avait 25 ans et était très corpulente. La dernière, âgée de 15 ans, était élancée et jolie de figure. On m'en expliqua bientôt la cause. Les filles hindoues, quoique mariées excessivement jeunes, ne deviennent guère mères avant l'âge de 14 ans et gardent ordinairement jusque-là leur taille de demoiselle. Après leur première couche, elles restent enfermées dans leur chambre de 6 semaines à 2 mois, ne prennent aucun exercice et se nourrissent abondamment des mets les plus succulents et de toute espèce de friandises. En général, cette nourriture leur profite. Il faut savoir que les Indiens, comme les Mahométans, n'aiment que les femmes corpulentes. Dans le bas peuple, je ne trouvais pas de pareille beauté. Les deux femmes n'étaient pas précisément vêtues de la manière la plus décente. De grands morceaux de mousseline bleue et blanche, brodés d'or et bordés de tresses d'or larges comme la main, leur enveloppaient tout le corps, y compris la tête. Mais ce mince tissu était trop transparent et il dessinait par trop les contours du corps. Note : la mousseline la plus fine et la plus précieuse se fabrique dans la province de Daïka. Aussi, le mètre coûte-t-il de 2 roupies à 2 roupies et demie. Fin de note. Quand elle remuait les bras, la mousseline s'ouvrait si bien que non seulement le bras était mis à nu, mais aussi une partie de la gorge et le reste du corps. Elles apportent plus de soin à se couvrir les cheveux. Elles cherchaient toujours à ramener la mousseline par-dessus leur tête. Tant qu'elles sont filles, elles peuvent aller sans coiffure. Elles portaient sur elles tant d'or, de perles et de pierres précieuses qu'elles en avaient véritablement leur charge. De grosses perles mêlées à des pierres fines perforées leur couvraient le cou et la poitrine. Toutes ces parures étaient entremêlées de lourdes chaînes d'or et de monnaies d'or enchâssées. L'oreille, entièrement percée, je comptais au bout de l'oreille et dans le lobule 12 trous, était si chargée de ces ornements qu'on la découvrait à peine. On ne voyait que de l'or, des perles et des pierres précieuses. À chaque bras, elle portait 8 ou 10 lourds bracelets dont le principal joyau, enchâssé d'or massif, avait 10 cm de large et était entouré de 6 rangées de petits brillants. On me le mit entre les mains. Il pesait bien une demi-livre. De lourdes chaînes d'or faisaient 3 fois le tour de leurs cuisses. Elles avaient aussi aux chevilles des anneaux et des chaînes d'or. Et les pieds eux-mêmes étaient peints d'or piment d'un brun rouge. Les femmes apportèrent leurs écrins et me montrèrent encore beaucoup d'autres objets précieux. Il faut que l'hindou dépense énormément d'argent pour la parure, pour la mousseline de Daïka, brodée en or et en argent, car les femmes riches rivalisent entre elles de luxe. Les deux femmes étaient en grande toilette. Comme elles avaient compté sur ma visite, elle voulait se montrer à moi dans tous les atours de leur pays. Le nabab me conduisit aussi dans les appartements intérieurs, dont les fenêtres donnaient sur la cour. Dans quelques pièces, on avait étendu par terre des tapis et des coussins, car en général l'hindou n'aime pas les sièges et les lits. Dans d'autres, il y avait quelques meubles européens, tels que tables, chaises, armoires et même des lits. On me montra avec une joie toute particulière une belle vitrée qui renfermait des poupées, des voitures, de petits chevaux et autres jouets qui amusaient singulièrement les enfants et les femmes. Cependant, ces dernières jouent aux cartes avec plus de passion. Aucune femme ne peut entrer dans les chambres qui donnent sur la rue, car elle pourrait être aperçue par un homme décroisé vis-à-vis. La jeune fiancée mettait encore sa liberté à profit. Elle sauta rapidement devant nous à la fenêtre ouverte pour jeter un regard sur les rues animées. Les femmes des hindous riches ou des castes supérieures sont aussi enchaînées à leur demeure que les chinoises. Le seul plaisir que l'époux rigide accorde de temps en temps à son épouse est de se faire porter dans un palanquin bien fermé chez une amie ou une parente. Ce n'est que pendant le peu de temps qu'elles sont filles que les femmes jouissent d'un peu plus de liberté. Un hindou peut prendre plusieurs femmes, mais il use très rarement de ce droit. Les parents du mari habitent autant que possible dans la même maison que lui. Chaque famille a cependant son ménage particulier. Les garçons assez grands peuvent manger avec leur père. Il est défendu aux femmes, aux filles et aux petits-enfants d'assister au repas des hommes. Hommes et femmes aiment beaucoup le tabac. Ils le fument dans un jonc appelé kuka. Vers la fin de la visite, on m'offrit beaucoup de bonbons, de fruits, de raisins secs, etc. Les bonbons se composent en grande partie de sucre, d'amandes et de graisse. Mais ils n'avaient pas trop bon goût parce que la graisse y dominait. Avant de quitter la maison, j'examinai encore au rez-de-chaussée la salle dans laquelle on célèbre tous les ans la cérémonie religieuse connue sous le nom de Natch. Cette fête la plus grande chez les hindous tombe au commencement du mois d'octobre et dure 15 jours. Pendant ce temps, ni le riche ni le pauvre ne se livrent à aucun travail. Le maître ferme sa boutique et son magasin. Le serviteur fournit des remplaçants qu'il trouve d'ordinaire parmi les mahométans. Puis le temps se passe, sinon à jeûner et à prier, du moins à ne rien faire. Le nabab me raconta que pour cette fête, son salon était richement orné et qu'on y plaçait la déesse Durga, aux 10 bras. Elle est faite en argile ou en bois, peinte des couleurs les plus brillantes et surchargée d'oripeaux en or ou en argent, de fleurs et de rubans, souvent même de riches parures. Dans le salon, dans la cour, à l'extérieur de la maison, brillent entre des vases et des guirlandes de fleurs des milliers de lumières et de lampes. On sacrifie à Durga de nombreuses victimes. Toutefois, on ne les tue pas en sa présence, mais dans quelques coins de la maison. Des prêtres servent la déesse et les danseuses déploient leurs talents devant elle au son d'une musique bruyante. Tam-tam. Les prêtres et les danseuses se payent très cher. En fait de danseuses, l'Inde a comme l'Europe ses esslères et ses talionis qui reçoivent comme leurs émules des sommes considérables. Pendant mon séjour à Calcutta, une célèbre danseuse persane ne voulait danser dans aucune soirée à moins de 500 roupies. Des masses de visiteurs, parmi lesquels se trouvent aussi beaucoup d'Européens, vont de temple en temple. Aux hôtes les plus distingués, on offre des sucreries et des fruits. Le dernier jour de la fête, la déesse est portée à l'ugli, en grande pompe et au son de la musique. On la dépose dans un bateau, on la conduit au milieu du fleuve et on la précipite dans l'eau pendant que retentissent les cris d'allégresse du peuple qui se tient sur le rivage. À une époque plus reculée, la parure était livrée au flot avec la déesse. Mais les prêtres ne manquaient pas de la repêcher la nuit. Aujourd'hui, on remplace le dernier jour de la fête, la vraie parure, par de faux diamants. Ou bien l'amphitryon s'arrange pour la mettre de côté pendant la traversée. Mais il faut que cela se fasse avec beaucoup d'adresse afin que le peuple ne s'en aperçoive pas. Un natch revient souvent à plusieurs milliers de roupies. C'est une des plus fortes dépenses des gens riches. Les noces coûtent aussi, dit-on, des sommes considérables. Les prêtres de Brahma ou Brahman font des observations astrologiques pour calculer le jour le plus heureux et même l'heure la plus propice. Ordinairement, la noce est encore remise au dernier moment de quelques heures parce que le prêtre, après de nouveaux calculs, a trouvé une heure plus favorable. Naturellement, une telle découverte se paye de nouveau au poing de l'or. Des fêtes en l'honneur de Kali, la déesse aux quatre bras, ont lieu plusieurs fois dans l'année et particulièrement dans le village de Kaligat près de Calcutta. Pendant mon séjour dans cette dernière ville, il y eut deux de ces fêtes. On vit alors presque devant chaque hutte une quantité de petites idoles d'argile peintes à la manière la plus baroque et qui représentaient les figures les plus horribles. Elles étaient destinées à être vendues. La déesse Kali, de grandeur naturelle, tirait la langue de toute sa longueur hors de sa bouche béante. Elle était devant les cabanes ou à l'extérieur, richement couronnée de guirlandes de fleurs. Le temple de la déesse Kali est un misérable édifice ou, pour mieux dire, un sombre trou dont le petit toit en forme de coupole est surmonté de quelques tourelles. La statue qui se trouvait dans ce temple se distinguait surtout par une tête énorme et par une langue excessivement longue. La figure était peinte en rouge, cramoisie, en jaune et en bleu de ciel. Il ne me fut pas permis d'entrer dans ce trou divin, car les femmes ne sont pas jugées dignes de pénétrer dans un sanctuaire aussi auguste que le temple de Kali. Je regardai à la porte avec les femmes hindoues, ce qui me suffit complètement. Les maisons mortuaires et les bûchers où l'on brûle les morts offrent des tableaux émouvants et épouvantables. Les maisons mortuaires sont placées sur les bords de la Gli, près de la ville. En face se trouve le marché au bois. Celle que je visitais était petite et ne renfermait qu'une salle avec quatre couchettes nues. Les mourants sont portés en ce lieu par leurs parents et déposés sur une de ces couchettes. Quand elles sont occupées, on les met par terre ou, en cas de besoin, on les expose devant la maison aux rayons d'un soleil brûlant. Je trouvai 5 mourants dans la maison et 2 en dehors. Ces derniers étaient tout à fait enveloppés dans des paillasses ou des couvertures de laine. Je croyais qu'ils étaient déjà morts, mais quand j'en fis la remarque, on écarta les couvertures et je reconnus que les malheureux remuaient encore. Je m'imagine qu'ils doivent étouffer là-dessous. Dans la maison mortuaire, il y avait une vieille femme toute cassée, étendue par terre dans le râle de la mort. Les 4 couchettes étaient toutes occupées. Je ne remarquai point qu'on eût mis de la vase du Gange dans la bouche et dans le nez des mourants. C'est peut-être la coutume dans d'autres contrées. Les parents étaient assis autour des moribonds. Ils attendaient en silence et tranquillement qu'ils rendissent le dernier soupir. Comme je demandais si on ne leur donnait rien, on me répondit que s'ils ne mouraient pas tout de suite, on leur donnait de temps en temps une gorgée d'eau du Gange, mais toujours moins et à de plus longs intervalles, puisqu'une fois apportés à la maison mortuaire, ils devaient absolument mourir. Dès qu'ils sont morts, souvent, quand ils ont eu à peine le temps de refroidir, on les porte au bûcher, qui ne sont séparés de la grande route que par un mur. Je vis là un mort et un mourant étendu par terre et sur 6 bûchers, 6 cadavres. Les flammes qui les consumaient montaient en haute colonne. Des oiseaux plus gros que des dindons, appelés ici philosophes, de petits vautours et des corbeaux étaient perchés en grande quantité autour des bûchers, sur les toits et les arbres voisins et attendaient avidement pour se repaître des cadavres à moitié brûlés. Note, l'anguilla, espèce de cigogne, mange des cadavres et se trouve fréquemment le long des fleuves de l'Inde. Je frissonnais, j'avais hâte de m'éloigner et je fus longtemps sans pouvoir effacer de ma mémoire l'impression de cet affreux spectacle. Ces funérailles coûtent souvent aux gens riches plus de 1 000 roupies, car on emploie les espèces de bois les plus chères, tels que les bois de santal, le bois de rose, etc. En outre, il faut encore, pour les cérémonies funèbres, un brahman, des pleureuses et de la musique. Après que le corps a été brûlé, on recueille les ossements qu'on met dans un vase et qu'on enterre, ou bien qu'on plonge dans le Gange ou dans quelque autre fleuve sacré. Pour les pauvres gens, on ne fait pas toutes ces cérémonies. On brûle leur corps tout simplement sur du bois ou de la fiente de vache, et s'ils sont trop pauvres pour pouvoir acheter du combustible, on attache une pierre au cadavre et on le jette dans le fleuve. J'ajouterai ici une petite anecdote que j'ai entendue raconter par une personne digne de foi. Elle fera voir à quelle cruauté peuvent souvent conduire de fausses idées religieuses. Monsieur N était un jour en voyage non loin du Gange. Il avait avec lui quelques serviteurs et un chien. Tout à coup, ce chien disparut. Après l'avoir appelé en vain et pendant longtemps, on le trouva enfin sur le bord du Gange, près d'un corps humain qu'il léchait constamment. Monsieur N approcha et trouva un homme exposé pour mourir et qui avait encore quelques souffles de vie. Il appela ses gens, fit enlever la vase et la boue de la figure de ce malheureux, ordonna de l'envelopper d'une couverture de laine et lui prodigua tous les soins possibles. Au bout de peu de jours, le pauvre homme fut entièrement rétabli. Quand M. N voulut le congédier, cet infortuné le pria instamment de n'en rien faire parce qu'il avait perdu sa caste, qu'aucun de ses parents ne le reconnaîtrait plus, en un mot, qu'il était rayé du nombre des vivants. Monsieur N le garda à son service et cet homme jouit encore de la meilleure santé, quoique cette aventure remonte déjà à plusieurs années. Les Hindous eux-mêmes avouent que par la manière dont on agit avec les mourants, il se commet plus d'un homicide, mais leur religion dit qu'une fois que le médecin a déclaré qu'il n'y a plus d'espoir, il faut que le malade meure. Quant aux coutumes et aux usages des Hindous, je n'ai pas été à même d'en connaître d'autres que ceux que j'ai déjà décrits, mais j'ai eu l'occasion de voir quelques cérémonies relatives aux noces des Mahométans. Le jour des noces, le lit nuptial bien paré et porté au son de la musique à la demeure du fiancé. Assez tard dans la soirée, la fiancée y arrive aussi, dans un palanquin bien fermé, accompagné de musiciens, de torches et d'une grande suite. Plusieurs parents portent des pyramides et le superbe feu connu sous le nom de feu de Bengale ne saurait manquer en cette occasion. Quand le cortège arrive à la maison du marié, les deux époux y entrent seuls. La suite reste devant la porte, fait de la musique, crie et chante quelquefois jusqu'au lendemain. J'ai souvent entendu dire aux Européens qu'ils trouvaient cette cérémonie du lit nuptial très indécente. Mais comme dit le proverbe, nous voyons un fétu dans l'œil de notre prochain, nous ne voyons pas la poutre dans le nôtre. De même, je trouvais que les mariages entre les Européens établis dans le Bengale se font d'une manière bien plus inconvenante. Chez les Anglais, le jour de la bénédiction nuptiale, qui n'a lieu que vers le soir, le fiancé ne peut voir la fiancée qu'à l'autel. Manquer à cette loi serait une grave infraction aux convenances. Dans le cas où les deux fiancés auraient quelque chose à se dire, il faut qu'ils aient recours à la plume. mais s'appelle la bénédiction du prêtre est-elle prononcée que les nouveaux mariés sont emballés dans une voiture et envoyés pendant 8 jours dans un hôtel aux environs de la ville. On choisit d'ordinaire pour cela l'hôtel de Barrackpore ou quelques maisons à Garden Reach. Quand toutes les places de ces maisons sont louées, ce qui arrive assez souvent, puisque presque tous les mariages se font dans les mois de novembre ou de décembre, on loue des bateaux avec une ou deux petites cabines et les nouveaux mariés sont condamnés à passer les premiers 8 jours tout à fait éloignés de leur famille. Il est également défendu aux parents d'approcher pendant ce temps de leurs enfants. Je crois que la délicatesse d'une jeune fille doit souffrir cruellement de ses mœurs grossières. Combien la pauvre créature doit rougir quand elle rentre dans les endroits destinés à cet emprisonnement et combien doit-elle être blessée de chaque regard, de chaque sourire des aubergistes, des garçons ou des bateliers. Les bons Allemands qui trouvent malheureusement beau tout ce qui ne vient pas de chez eux, imitent très consciencieusement cette coutume étrange. Fin du chapitre 11.